23h49. On va se faire dans un instant cette grande petite émission. Qui, alors pour ceux qui n'ont pas écouté nos grandes années avec Toff sur notre radio à l'époque, ils n'ont peut-être pas connu justement cette énergumène, ce cas social. Voilà. Pour ceux qui ont écouté, bah ils connaîtront le Polo Show. Et puis pour les autres, bah vous allez découvrir, vous allez voir. Est-ce que je peux intervenir vite fait pour les autres, bah qu'ils aillent se faire enculer. Hein, voilà. Au fond. Je pense qu'effectivement tout est dit. Attention pas. Et le concept évidemment du Polo Show. Bon évidemment là on n'a pas eu le temps, mais à l'époque c'était que des stars qui faisaient les jingles des Polo Show. C'est vrai. Là on a une star. Ah oui. DJ K1. Salut, c'est DJ K1. Moi aussi j'écoute le Polo Show. Le son dance floor. Eh oui, comme à l'époque hein, de la private joke en voiture, voilà, les gens ne peuvent pas comprendre. À part ici, tout le monde est mort de rire. Vous ne comprendrez pas. Bienvenue dans le Polo Show, cette grande émission qui a été supprimée de ce pays pourri qu'on appelle la France. Eh oui. Je pense qu'il y en a qui vont applaudir. Ouais. Ce pays où comment dirais-je, où ils passent leur temps à parler de politique alors qu'ils n'y connaissent rien. Ce pays qui a saboté et massacré la bande FM. Et le Polo là Show. Où il y a des mecs qui parlent trop vite, ouais, qui ne savent pas s'exprimer, mais ils ont des créneaux horaires. Et les vieux, voilà, c'est les vieux qui prennent la relève là-bas. Voilà, il n'y a pas de relève en fait. Il y a juste les vieux animateurs qui sont là en train de s'user, en train de finir la bande FM. Voilà, le Polo Show est de retour. Je suis en exil en Belgique. Jingle. Ce pays que j'ai insulté pour... Jingle. Jingle. Allez, jingle. Jingle. DJ K1. Salut, c'est DJ K1. Salut, moi DJ aussi K1. J'écoute le Polo Show. Tu es le bienvenu. Le son dance. J'embrasse DJ K1 qui est un ami personnel. Alors, je disais. Oui. Je m'en souviens plus. Qu'est-ce que je disais? Pas grave, tu disais quoi? Ouais, j'ai dit j'étais en exil. Voilà, je suis ici en Belgique, ce pays que j'ai insulté pendant des années. Vous le savez, on s'est moqué de la Belgique. 99, 79, s'il vous plaît, etc. Ah bah, voilà, je remercie la Belgique de me laisser m'exprimer. On commence tout de suite le Polo Show avec Gilles-Louis. Comment tu vas tout le monde? Gilles-Louis. Comment tu vas tout le monde? Ça va, Gilles-Louis? Gilles-Louis, oui, dire... Je suis très content de t'entendre. Gilles-Louis, moi aussi, j'ai ouï dire que tu étais à Toulouse. Que Toulouse, toi? Non, je suis dans la France, toi. Et toi, j'ai vu que tu es parti dans le pays qui est plat. Eh bah oui. On veut pas de moi en France, je suis venu ici. Bon, Gilles-Louis, qu'est-ce que tu veux? Tu nous soutes. Eh, t'as fait comme Cahuzac, c'est lui, il avait un compte en Suisse, toi, un compte en Suisse. Ah, ta gueule, allez, casse-toi d'ici. Monsieur A. Espèce de saleté. Qu'est-ce que tu veux, monsieur A? Tu me poursuis, même polo, ici. Polo. Je t'écoute. Polo. Oui, polo. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, Polo? Mais t'as pas changé, toi, t'es resté bloqué. Fais vite, mêle-toi, on n'a pas le temps. Tu sais que l'émission est courte. Ta gueule, Polo. Fais attention, monsieur. Tu sais très bien qu'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus rien maintenant. Oui, ben c'est pour ça que je te pisse toujours dans le cul. C'est moi qui te pisse à l'arrêt du cul, je pisse dans tes cheveux, et tu le sais. Polo, il est là. Ikaël. Ouais. Ah oui! Bon, monsieur, casse-moi. Oh, qui est là? Qui est là? Le Belge! Allô? Allô? T'as pas fait la bataille de gueule, ça? Eh! Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce veux-tu? Hein? Encore un français avec une grande gueule, hein? Décidément, c'est français, hein? On va pas venir à bout, hein? Bon, qu'est-ce que tu veux? Putain, bordel de merde! Qu'est-ce que tu veux? Tous les français, tu me casses les couilles! Hein? Bon, le Belge! Mais à un moment, faut quand même tu vas faire. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais rien dire d'autre? Tu sais pas? Tu sais me passer le sel, dis-moi. Mais, moi, je propose que la Belgique prenne la France. Ouais, très bien. Ouais, voilà, là, quelle horreur. Allez, top. Non, c'est qui à l'appareil? Qui est là? Allô. C'est Jean-Claude. Ça va, ma grande bienvenue. Ah, Jean-Claude. Ah, bah, non, c'est court. C'est juste pour aujourd'hui, Jean-Claude. Ah bon? Oui, j'ai payé très cher ce créneau horaire sur le fond de radio. Tu viens quand même. Ce soir, on va pouvoir faire une petite sauterie. Oh là. Mais où ça? Où ça? Depuis le temps que je t'ai pu ramener tes petites fesses. Jean-Claude! Oui, monsieur. Bon, qu'est-ce que tu veux exactement, là? Ben, moi, j'aimerais bien te ramener tes petites fesses. Oh, mais quel pervers. Allô, Gilles-Louis, je t'écoute! Tu peux te rajouter la pellette. Oui, excuse-moi, je suis en train de parler littérature. Ah oui, quelle littérature. Parler de la littérature un peu. Gilles-Louis, qu'est-ce que tu veux? Oui, comment tu vas, toi? Ça va, tout va bien. Et tu reviens quand tu nous moques déjà, toi? Ouais, je te manque, quoi. Comme on dit chez nous, je peux te rajouter la pellette avec les commandes, hein. Bon, Gilles-Louis. Qu'est-ce que tu fais, Gilles-Louis, maintenant, toi? Je vais avec quelqu'un, comme on dit. Allez, casse-toi. Monsieur A! Ouais. Il est là, Jack-Jack? Ah non. Jack-Jack n'est plus là, tu le sais. Il s'est... Il doit essayer de sauver des vies en ce moment. Il sauve des vies. Et il est parti sans me dire au revoir. Tu penses bien que j'ai pas de nouvelles de lui. Polo. Ouais, je t'écoute, monsieur. Si tu vois Jack-Jack, tu peux attends. Tu peux lui dire que j'ai toujours le même numéro. Je pense qu'il le sait, monsieur. Le Belge, je t'écoute. Est-ce qu'on peut avoir des trompettes juste pour présenter l'émission? Voilà, parfait. Le Belge. Oui. Allez, mine-toi, espèce de sac à merde. Là, vite. J'allais te proposer une chose. T'es une merde. Quand on change en reste avec Paris, c'est quand même deux villes de trous du cul. Allez, casse-toi. Tu sais rien dire d'autre que ça. Jean-Claude, pourquoi je prends cet accent? Jean-Claude. Oui, mon Dieu. Oui, je t'écoute, Jean-Claude. Non, mais que je voulais te dire, j'ai un nouveau lubrifiant et je pense que si je le mets au bout de mon gland, je peux rentrer sans même forcer, mon Dieu. Tu veux rentrer où exactement? Mais dans ton cul. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Jean-Louis. Hey, Jean-Claude, si tu veux, moi je peux rentrer si tu veux. Bon. Hein. Jean-Louis, tu veux dire un truc? Comme tu veux. Est-ce que c'est Jimmy oui, alias non, mais c'est pour... Monsieur oui. Zamborambor? Non, monsieur Zamborambor, en fait c'est un nom composé maintenant. J'ai pris Jean-Louis parce que c'est plus français. C'est le contraire. Je m'ai intégré à la France. Ah d'accord, et tu t'es intégré j'ai ou pas? J'ai même appelé mon nouveau fils, tu sais, j'ai un fils maintenant. Ah non, je savais pas. Oui, je l'ai appelé Jean-Marie. Pour bien Jean-Marie, la paune, les paunes, comme tu veux. Hein. Bon, qu'est-ce que tu veux? Pour m'intégrer. Tu veux quelque chose? Pour te faire un petit coco. Là, d'accord. J'étais un peu fatigué, je suis sorti parce que j'ai un chien aussi. Ouais. Et tu l'as appelé comment? Hein? Tu l'as appelé comment le chien? À ton avis. Je sais pas. Je l'ai appelé Polo. Ah, c'est gentil ça. Monsieur A. Polo. Ouais, monsieur A, je vous écoute. Il est là, le pervers. Ouais, il est dans le coin, là. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est là. Il est en train de baiser. Polo, Ikaël. Il est là, Ikaël, t'inquiète pas. Oh, est-ce que t'as pris tes cachets, monsieur? T'as pris tes petites pilules? Ouais. Polo, tu sais que j'attends, hein. T'attends quoi? J'attends, toujours. Depuis 3 ans, tu attends. Non, 4 ans, même plus, tu attends derrière ta porte. Je suis derrière la porte et j'attends. Bon bah attends. Le Belge. Oui. Bon vas-y. Ça me casse les couilles ton accent là. Eh bah alors casse-toi, allez, je te dégage d'ici. Jean-Claude. Oui, ben moi par contre je veux bien que tu les casses les petites couilles, hein. Y a pas de souci mon chéri. Hein. Jean-Claude. Ah, tu pourrais. Oui mon loulou. Tu sais pas qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Bah à cette heure-là il ferait bien d'être couché, hein, parce que sinon hein, c'est pas très bien tout ça. Hein. Bon, on va terminer le polo show dans quelques instants. Gilles-Louis, mon vieux Gilles-Louis. Ouais, bah petite Fatima, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est longue cette émission, elle est longue cette émission. On va faire court, oui, on termine. Ouais. Ouais, bon, j'ai appuyé la radio. DJ K-1. Salut, c'est DJ K-1. Moi aussi j'écoute le polo show. Merci. Le son l'émission des stars sur Fun Radio. Gilles-Louis. C'est toi la star. Conclusion. Bah, je te fais des bisous, ça m'a fait plaisir de te voir, de te parler, pareil, de te rencontrer pareil. Par le biais de la radio. Pareil. Alors je te fais des bisous et j'embrasse tout le monde et voilà. Allez, bise, ciao, Jean-Claude. Oui, mon loulou, mais moi je te laisse là, rétendrement. Ah, hein. Oh, avec plaisir, hein. Oh là là, je t'allonge rapide. Ça me fait plaisir de te voir quand même dans une de mes petites soirées pour que je te puisse te la remettre bien au fond. Eh ben, viens, demain je suis à l'Invasion Latina. J'y serai, je serai vrai, en guest chérie, comme ça, avec des bouteilles de champagne, comme des pimps et tout, avec des putes et tout. Ben, moi, j'ai ramené de la pute là. Je sors mon petit string cuir, mes petites chaînes à clous et j'arrive, mon loulou. Eh, Jean-Claude, je t'embrasse. Comme jamais. Et je t'embrasse. Moi aussi, sexy. Bisous. Bisous. Et pour terminer ce polo show, bah, il revient comme ça tous les 3-4 ans. Donc, on va le terminer avec Monsieur A. La dernière fois qu'il est revenu, ça nous a porté la poisse. Hein, ouais, mais... je sais. Monsieur A, on conclut? C'est Ikaël qui a dit ça? C'est lui, ouais. Attends, je t'écoute. Qui c'est la dame qui rigole là tout le temps? Non. C'est une fille très jolie. Quoi, non? C'est Audrey. Ouais. Mais elle est là, j'ai un créneau. Salut. Demain 18h-19h, ouais, personne n'y touche. Tu vas lui faire les fesses, là? Ah bah oui, comme à toutes les filles que je rencontre. J'attends. Ah, c'est ces filles que j'ai... Polo. Ouais. Il est Monsieur, il est là, Ikaël. Il est là. Tu veux que je fasse quoi de plus, Ikaël? Ouais. Oh, Ikaël. Eh, monsieur, comment va madame? Elle a cru que c'était fini, mais finalement non. Non, tu lui as dit que c'est, on est de retour un peu là. Polo. Ouais. Elle regarde bizarrement. Ah ouais, bon, mais il faut lui dire qu'on est bientôt de retour, que voilà. Ça va recommencer tout ce bordel. Et qu'on fait de l'audience ici. Monsieur L, c'est bientôt fini. Un dernier mot. Polo. Ouais, je t'écoute. J'attends toujours, sache-le, et j'attendrai toujours. Très bien. Eh ben écoute, monsieur. Bah nous aussi. Ça commence à faire long. J'ai perdu tous mes cheveux, monsieur. Et j'ai de la barbe blanche maintenant. Donc à un moment donné, va falloir faire quelque chose. Oui. Émane-toi, mon cheveur. Polo. Oui. Est-ce que Mickaël, il fait sa campagne demain? Ta campagne. Écoute. Si oui, je vais avec le bolos passé et l'arbre. Si j'étais là, j'aurais serré plein de mains. Polo. Ouais. Et demain alors, t'es sur Latina, toi? J'espère être là. Non, demain, t'es à Latina. À la Sina? Latina, ouais, bah, Latina, à l'invasion Latina. Je serai d'abord à la Sina et à la Latina. Monsieur, on va y aller, conclusion, vite. Conclusion, il est toujours derrière la porte. Bon, allez, au revoir, monsieur. Ainsi s'achève le Polo Show. J'espère qu'il sera de retour un jour. Oh, bah qui sait, va savoir. Qui sait ce que la vie nous réserve. Peut-être un jour. J'embrasse tout le monde, monsieur Zambor, monsieur Ed. Et David C, te salue également. Je l'emmerde, moi, David. Voilà, j'embrasse c'est un fan. Max, c'est j'embrasse un fan. Tout le monde, voilà, tous les gens qui ont. Voilà. Voilà, et plein de messages qui sont arrivés aussi, qui étaient contents d'entendre le Polo Show de retour. Tu parles, ouais. Ils ont rien fait quand je me suis fait le bourrer, comme un malpropre dans d'autres radios, là. Mais c'est parce qu'ils sont méchants, auditeurs, c'est pour ça. De merde, va. Voilà. Et Audrey qui avait jamais entendu le Polo Show. Je reste sans voix. De toute façon, avec ce qu'on va faire ensemble, on n'a pas besoin de voix. C'est vrai? Voilà. Non. On a besoin de quoi? On a besoin de. Elle est drôle, hein? Ouais, quand elle veut. Elle est marrante, la petite jeune fille là-bas. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, eh ben, bisous Polo du Polo Show à la revoyure. On va aller, on se verra là-bas alors. Parfait, voilà. On fait ça comme ça, effectivement. Bon, ben. Évasion Latina demain, il y a de la chatte, les gars. Voilà. Allez, vu comme ça. Ça donne envie d'aller. Bon. On veut pas le jingle une fois du Polo Show? Si tu veux. Attends, salut, c'est DJ K1. Moi aussi j'écoute le Polo Show. Dance floor. Voilà, Polo Show. Donc effectivement,